الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. نواصل أيها الإخوة continue chers frères l'explication du hadith de Al-Irbad Ibn Sariyah رضي الله عنه qu'on a vu hier. À la fin du hadith de l'Irbad, le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit: إِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَارَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Celui d'entre vous, il s'adresse à ses compagnons, celui d'entre vous qui vivra après moi, verra beaucoup de divergences. On a dit que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ici, il nous montre la maladie qui touche la communauté musulmane. Et ensuite, il nous cite l'antidote. فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّشِدِينَ الْمَهْدِيِينَ. Alors, accrochez-vous à ma sunna ainsi que celle des califes bien guidés. Après moi, min ba'di. Abdou alayha bin nawajil. Mordez-y à pleines dents. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous montre comment nous accrocher fermement à sa sunna et à ne pas la délaisser. Et ensuite il dit sallallahu alayhi wa sallam, iyyakum wa muhdathatil umur. Méfiez-vous des inventions. Ici, les inventions dans la religion. فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَ. Car certes, toute innovation est un égarement. فَالنَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُنَا يُبَيِّنُ لَنَا سَبَبًا مِنْ أَسْبَابِ الدَّاءِ. Le prophète صلى الله عليه وسلم ici, il nous montre une parmi les causes de la maladie. La maladie qu'il nous a montrée au début du hadith. Quelle est cette maladie? الاختلاف والتفرق. La division, la divergence dans la communauté musulmane. Voilà la maladie. La cause, une des causes de cette maladie, al-bid'ah. Une des causes de cette maladie, al-bid'ah. فَلِذَلِكَ سُمِّيَتْ أَهْلُ الْبِدَعِ أَوْ سُمِّيَ أَهْلُ الْبِدَعِ بِأَنَّهُمْ أَهْلُ الْبِدَعِ وَالْفُرْقَةِ. C'est pour cela que les gens de l'innovation ont été appelés les gens de l'innovation et de la division. Et Ahlul Sunnah ont été appelés Ahlus Sunnati wal Jama'a, les gens de la Sunna et du groupe. Et donc, il est impératif aux chers frères qu'on s'éloigne de toute cause qui sème la division dans la communauté musulmane. Et on le verra aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, dans le hadith qui vient après. فَالْبِدَعَةُ أَيُّ الْإِخْوَى هِيَا التَّقَرُّبُ إِلَى اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِمَا لَمْ يَشْرَعْهُ. Et donc, l'innovation, comme on l'a déjà vu précédemment, c'est le fait d'adorer Allah tabaraka wa ta'ala avec ce qu'il n'a pas légiféré, que ce soit un acte, que ce soit une croyance, que ce soit une parole. Et donc, le fait d'adorer Allah tabaraka wa ta'ala avec ce qu'il n'a pas légiféré, c'est-à-dire avec un élément qui ne se trouve ni dans le Coran, ni dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et certes, vous connaissez tous, au cher frère, la parole de l'imam Malik, rahimahullah. Lorsqu'il nous dit, « Man ibtada'a bid'atan, yaraha hasana, yaz'umu afekot za'ama anna muhammadan khana risala. » Celui qui innove, celui qui invente une innovation et qui prétend que celle-ci est bonne, qui prétend que celle-ci est une bonne innovation, alors celui-ci aura prétendu que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a trahi le message qu'il devait transmettre. Allah tabaraka wa ta'ala qui dit El yawma akmaltu lakum dinakum. Aujourd'hui, j'ai complété pour vous votre religion. La religion est complète. Et c'est pour cela que l'imam Malik, rahimahullahu ta'ala, après cela, il nous dit Ma lam yakun yawma idin dinan, fa laysa al-yawma din. Et donc, il nous dit ce qui n'était pas de la religion, ce qui ne faisait pas partie de la religion à cette époque, c'est-à-dire à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne fait pas partie de la religion aujourd'hui. Et donc il est important, chers frères, qu'on comprenne le danger de l'innovation. L'innovation est une critique envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est un grand danger d'introduire dans la législation d'Allah tabaraka wa ta'ala ce qu'il n'a pas légiféré. Il y a aussi un autre type d'innovation. Je ne comptais pas en parler aujourd'hui, mais je me rappelle maintenant, il y a un frère qui m'a envoyé donc, une question hier soir concernant le Burkini. Il comptait partir en vacances. Il m'a dit que son épouse, elle a acheté un Burkini. Et donc, est-ce que je peux aller dans tel endroit, dans telle plage? Lui, il ne m'a pas interrogé concernant le Burkini. Il m'a interrogé concernant est-ce que je peux aller dans une plage, etc., etc., etc. Alors moi, je me suis concentré sur le Burkini. Je dis, mais de ce que je connais du Burkini, c'est la yushra, c'est pas permis. Mais au contraire, le Burkini fait partie des innovations pécheresses. C'est-à-dire qu'on a dans notre religion les péchés qui sont graves. Et on a dans notre religion, on a les péchés qui sont graves. On a plus grave que les péchés, on a les innovations. Et on a plus grave que les innovations, on a des innovations liées à des péchés. C'est-à-dire que c'est un péché que la personne va prendre, qu'elle fait rentrer dans la législation d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Comme il faisait les personnes à la période anti-islamique, les hommes et les femmes qui faisaient le tawaf nus. Et donc, ici, on a ces personnes-là qui accomplissaient un péché et qui l'introduisaient dans la religion d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ici, on a le même principe avec le Burkini. Ces personnes qui vont faire un péché, et donc cette femme qui ne va pas respecter les principes de son Seigneur quant à sa façon de s'habiller, et qu'on va dire, voilà la tenue légiférée que la femme doit porter lorsqu'elle va à la mer. Ça, c'est une innovation, et c'est un péché qui est transformé en innovation. C'est encore plus grave. C'est encore plus grave. Parce que ces personnes-là, ils vont chercher à se rapprocher d'Allah, chercher à adorer Allah. Lorsque cette femme, elle porte ce burkini, est-ce qu'elle cherche à désobéir à son Seigneur comme ils font donc les personnes qui se mettent en maillot de bain, etc., etc. Ou alors elle se dit, Alhamdulillah, j'ai fait ma salat, maintenant je mets mon burkini, j'ai couvert mes cheveux, etc., etc. Cette personne, elle cherche à adorer Allah, Azzawajal. Elle cherche la satisfaction d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et donc c'est là qu'on va rentrer dans le bid'ah. C'est là qu'on va rentrer dans l'innovation. Et ça, c'est très grave. Et donc, on comprend ici que les innovations se divisent en plusieurs degrés. Et il y a encore pire, el bid'a shirkiya. L'innovation qui te fait, donc, l'innovation associée à du polythéisme. L'innovation qui te fait sortir de l'islam. Et donc, il faut faire attention, chers frères, à toute forme d'innovation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit « Fa'inna kulla bid'atin dolela » car certes, toute innovation est un égarement. Il n'y a pas longtemps, du moins il y a quelques années, il y a un frère d'ici qui m'a envoyé un message qu'un des fidèles d'une mosquée, je pense une mosquée, la mosquée de la ZUP peut-être, le message qu'une personne, un des Awam lui a envoyé. Un Awam lui a dit, « Ouais, mais pourquoi vous dites que toutes les innovations sont un égarement ?» Al-Hafidhu Nawawi, dans son explication de Sahih Muslim, si tu vois Al-Hafiz al-Nawawi dans l'explication de Sahih Muslim, il cite différents types d'innovations, bonnes innovations, mauvaises innovations, etc. Recommandées, etc., etc. Et donc le frère me dit, mais on fait comment? On fait comment quoi? Parce que Al-Hafiz al-Nawawi, il dit quelque chose, ça veut dire qu'on va oublier ce qu'il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'une personne vient à vous, avec la parole d'un des grands savants de la communauté musulmane, mais que cette parole contredit la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne faut pas trembler. Il ne faut pas trembler. Parce que ça arrive à tout savant. L'imam Malik rahimahullah qui nous dit, nous pouvons prendre la parole de tout le monde ou la rejeter, sauf la parole de celui-ci. Il a montré la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui-là, on ne peut que prendre sa parole. C'est pas on la prend ou on la rejette. On ne peut que prendre la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, on n'a pas à trembler lorsque ce genre de situation arrive. Une personne vient te voir, elle vient à toi, avec la parole d'un des grands savants de la communauté musulmane, une parole qui est erronée, tu lui dis la baisse. Tu lui dis, Anta nawawiyun ou muhammadiyun. Tu dis, toi, tu suis la sunna de l'Hafiz al-Nawawi ou tu suis la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Tu suis quoi? Il va te dire, je suis la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tu dis, khalas, c'est fini. C'est fini, khalas. Le prophète, il te dit, kullu bid'atin dalala. Toute innovation est un égarement. C'est fini, ça s'arrête là. Et donc c'est important, chers frères, qu'on ne tremble pas à chaque fois qu'on voit ce genre de choses. Barakallahu fikoum. Le hadith numéro 11, qu'a cité l'imam Rabi'a, hafidhahullah ta'ala, et il nous cite donc le hadith concernant Ridallah fi thalath wa sakhatuhu fi thalath. L'agrément d'Allah concernant trois éléments et sa colère concernant trois éléments. An Abi Hurayrah radiyallahu anhu anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam qala: Inna Allah yarda lakum thalathan wa yaskhatu lakum thalathan. Certes, Allah, donc selon Abi Hurayrah radiyallahu anhu, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: certes, Allah est satisfait de trois choses vous concernant et se courrouce de trois choses vous concernant. Yarda lakum an ta'buduhu wa la tushriku bihi shay'an. Il est satisfait vous concernant le fait que vous l'adoriez et que vous ne lui accordiez aucun associé. Wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraku. Et que vous vous accrochiez fermement au câble d'Allah sans vous diviser. Wa an tunasihu man wallahu Allahu amrakum. Et que vous conseillez celui dont Allah tabaraka wa ta'ala a confié votre autorité, celui dont Allah tabaraka wa ta'ala lui a donné autorité sur vous, donc le gouverneur. Wa yaskhatu lakum thalathan. Et il se courrouce concernant trois choses. Il se courrouce sur trois choses vous concernant. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, qil wa qal. Et on peut dire aussi qilun wa qal. Et donc qil wa qal, c'est-à-dire les on dit. Wa kathratu su'al, le fait de poser beaucoup de questions ou de beaucoup demander. C'est mieux de traduire en disant le fait de beaucoup demander. Pourquoi? On le verra plus tard, inshallah ta'ala. Wa ida'atu al-mal. Et le fait ida'atu al-mal, on utilise le terme ida'a lorsqu'on jette quelque chose ou lorsqu'on fait perdre quelque chose. Ici, souvent, on va le traduire par le gaspillage. Le fait de gaspiller de l'argent. On va garder cette traduction, inshallah ta'ala, et on va expliquer par la suite, bi'idhnillahi ta'ala. Et donc, le shir qui nous dit, rawahu muslimun wa malikun wa ahmed. Ce hadith-là aussi, au cher frère, il est très important qu'on médite dessus. Il y a dans ce hadith, premièrement, izbatu sifatayni min sifatillahi tabaraka wa ta'ala. Le fait d'affirmer deux attributs parmi les attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc, la satisfaction, rida, ainsi que as-sakhat, le fait que Allah tabaraka wa ta'ala se courrouce. Et donc ça c'est important, mon cher frère, le fait qu'on affirme ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala s'est attribué à lui-même. Ça c'est la voie de Ahl Sunnah wal Jama'a. Nous affirmons tous les attributs qu'Allah tabaraka par lesquels Allah tabaraka wa ta'ala s'est décrit. Bila tamthilin, sans chercher à faire ressembler Allah à ses créatures. Wala takyifin, sans chercher à demander comment Allah s'est établi sur son trône, ou comment Allah parle, etc., etc. Bila ta'tilin, sans rejeter les attributs ou la tahrif, et sans non plus modifier les sens. Et ici, il y a un sujet important pour tous les frères qui débattent, qui vont essayer de prêcher les non-musulmans, qui vont essayer de prêcher les chrétiens, les athées et autres. Souvent, ces personnes viennent avec des questions concernant les attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala. Oui, et ils viennent avec leurs paroles, mais l'attribut divin. Ils te disent, on voit dans la Bible et le Coran que Dieu est décrit comme étant jaloux. Est-ce que ceci est un attribut divin? Est-ce que la jalousie est un attribut divin? Et donc ils vont commencer à blâmer cet attribut. Et donc, ils vont le rejeter. Ici, beaucoup de musulmans, malheureusement, lorsqu'ils vont rentrer dans ces débats, c'est pour ça qu'à chaque fois je le dis, avant de commencer à débattre avec des gens concernant leur religion, il faut déjà qu'on connaisse notre religion à nous. Beaucoup, ils vont faire quoi? Ils vont rejeter les attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ah non, non, non, mais Allah il n'est pas jaloux. Ah non, non, non, Allah n'est pas jaloux. Ou Allah ne s'énerve pas. Et donc les incroyants, ils vont citer plein d'attributs comme ça. La colère, la jalousie ou autre. Et les ignorants vont les rejeter. Alors que non. Nous affirmons ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala à affirmer concernant donc le concernant lui-même. Nous devons affirmer cela. Et nous devons affirmer qu'Allah tabaraka wa ta'ala n'est pas comme ses créatures. Et donc, la colère d'Allah tabaraka wa ta'ala n'est pas comme la colère de ses créatures. Et donc, il est important de comprendre cela. Et ensuite, concernant le terme la jalousie, le problème, il est venu d'où? Si on me dit bien, le problème, il est venu d'où? Concernant la jalousie, on a la traduction en français. Ça, c'est un gros problème. On a la traduction de el-ghayra, la jalousie, et de el-hased, la jalousie. Et le problème, lorsque les musulmans ils vont entendre ça, ils vont penser à quoi? Al-hased. Ils vont dire al-hased, c'est un attribut qui est blâmable. Et Allah tabaraka wa ta'ala ne s'est jamais décrit avec al-hased. Et donc ils vont te dire non. Ça c'est ceux qui ne font pas attention à ce genre de distinction. Ça c'est très important. Faire la distinction entre al-hased et al-ghayra. Allah ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit Etta'jabuna min ghayrati Sa'ad, êtes-vous surpris, choqué de la jalousie de Sa'ad? Fa inni aghyaru minhu, certes je suis plus jaloux que lui, wallahu aghyaru minni, et Allah est plus jaloux que moi. Et donc ça c'est important, donc ça c'est ithbat, donc le fait d'avoir affirmé la ghayra concernant Allah tabaraka wa ta'ala. El hasad ici qu'on va traduire par la jalousie aussi. Mais qu'est-ce que c'est que el hasad, la jalousie? C'est le fait de désirer ce que l'autre a et que l'autre n'ait plus cela. Le fait de désirer ce que quelqu'un d'autre a et que cette personne n'ait plus cela. Et donc ça, c'est blâmable. Le fait que tu désires, ton frère, il a une belle voiture et tu désires que toi, tu aies cette voiture-là et que lui, il n'ait plus cette voiture. D'accord? Et donc, c'est important, chers frères, qu'on fasse la distinction entre les deux. Mais là, on n'est pas dans un cours concernant les Asma ou Sifat. Inch'Allah, peut-être, on va l'aborder si un jour je reviens pour aborder les Asma wa Sifat. C'est important aussi. Et donc aussi parmi les sujets de ce hadith, au cher frère, le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous cite certaines causes parmi les causes qui mènent à l'agrément d'Allah tabaraka wa ta'ala, la satisfaction d'Allah tabaraka wa ta'ala. On l'a déjà vu précédemment, une cause générale qui mène à la satisfaction d'Allah tabaraka wa ta'ala, c'est laquelle? On l'a vu hier. Il est obligatoire, si tu veux atteindre la satisfaction d'Allah tabaraka wa ta'ala, il est obligatoire d'avoir cette cause. Wa illa fala. Ittiba. Le fait de suivre les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On a cité la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, sabiqun al-awwalun. Les premiers, les prédécesseurs, min al-muhajirina wal ansar, parmi les muhajirun et les ansar, walladhina tabauhum bi ihsan, et ceux qui les ont suivis de la meilleure façon. Radiyallahu anhum wa radu an. Allah est satisfait d'eux et eux sont satisfaits de lui, c'est-à-dire eux sont satisfaits de ce qu'il leur a accordé. Et donc, chers frères, on a une cause ici, une cause générale. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith, il va nous citer des causes dans les détails. Et la première cause qu'il nous cite, sallallahu alayhi wa sallam, an ta'budullaha wa la tushriku bihi shay'a, que vous adoriez Allah sans lui donner quelconque associé. Ça, c'est une cause dans les détails. Car les compagnons, en suivant les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, forcément, tu ne dois pas faire de polythéisme et tu vas adorer Allah seul. Et donc là, on commence à détailler ce que c'est que la voix des compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et ce sujet-là, c'est le tawhid, le monothéisme pur, ma'a rukneyi shahada, avec les deux piliers de l'attestation, l'affirmation et la négation. L'affirmation, le fait d'adorer Allah tabaraka wa ta'ala, et la négation, le fait de rejeter l'adoration concernant tout autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala. Et le tawhid, tawhidul mar la yastaqimu illa bihadayn rukneyn. Et le tawhid de l'individu n'est correct sans ces deux piliers. Il est obligatoire. Une personne qui nous dit, elle ne prie pas, elle ne fait rien. Elle nous dit, ouais, mais moi, alhamdulillah, moi, je ne vais pas voir le Sahara. Et moi, je ne fais pas de shirk. On dit, ok, mais c'est quand que tu as adoré Allah tabaraka wa ta'ala? Le tawhid, ce n'est pas ne pas faire de shirk. Le tawhid, c'est adorer Allah tabaraka wa ta'ala sans lui accorder quelconque associé. Et donc, il est impératif d'avoir les deux. Il est impératif de rassembler ces deux éléments. Barakallahu fikoum. Ensuite, dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit « Wa an ta'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraku » que vous vous accrochiez tous fermement au câble d'Allah sans vous diviser. Et donc, il y a dans ce hadith, ô chers frères, dans ce passage, l'importance de l'union, de s'unir sur quoi ? Est-ce qu'on s'unit sur tout ? C'est important de nous rassembler sans distinction des erreurs, des bid'as, etc., etc. Non, nous devons nous unir sur la vérité. Le câble d'Allah tabaraka wa ta'ala, c'est ce avec quoi est venu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà ce sur quoi nous devons nous unir. Nous devons nous unir sur ce sur quoi est venu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est là qu'on arrive à un problème très important. Un problème très important dans la communauté musulmane. C'est que Al-Bourdou Amma ja'a bihi an-nabi sallallahu alayhi wa sallam yusabbibu at-tafarruq. Le fait de s'éloigner de ce avec quoi est venu le prophète sallallahu alayhi wa sallam entraîne la division. Et ça, les frères, vous le constatez. Que ça soit fil ibadat, que ça soit dans l'adoration. Des gens qui vont s'éloigner des principes du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans l'adoration, ça va causer la division. Que ça soit dans al-mu'amalat, les échanges entre nous, les échanges entre les gens, que ce soit le fait d'acheter, de vendre ou autre, le fait de s'éloigner des principes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, cela va causer la division. Que ce soit dans les couples, c'est pareil. À partir du moment où il y en a un ou l'autre qui s'éloigne de la charia, qui s'éloigne des recommandations du prophète sallallahu alayhi wa sallam, cela crée une division. Et donc il est impératif, ô chers frères, comme on l'a vu hier, qu'on applique la salafia dans toute notre vie. Il ne faut pas tomber dans le piège. Quel est le piège ? C'est que l'adoration, c'est que la religion se fait à la mosquée. La religion, c'est à la mosquée. Et quand tu es dehors, ah non. Non, non. Tu dois être salafi à la mosquée. Tu dois être salafi dans la rue. Tu dois être salafi au travail. Tu dois être salafi avec ton épouse. Tu dois être salafi avec tes enfants. Comme on a vu hier, dans toute ta vie, le fait de s'éloigner des principes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que ce soit à la mosquée, dans la rue, au travail, à la famille ou autre, cela cause la division. Cela cause la division. Et donc c'est important, barakallahu fikoum, de faire très attention à ce point. On comprend aussi dans ce hadith que al-khilaf shar, la division est mauvaise. La division est mauvaise. Il est important aussi aux chers frères de s'éloigner de toute cause de division. Un point essentiel dans ce hadith, comme on l'a déjà vu plusieurs fois, ahlus sunnati wal jama'a, ils s'efforcent d'unir les gens et de ne pas les diviser. Voilà pourquoi, concrètement, moi je suis choqué. Je suis choqué de voir qu'il y a des personnes qui suivent Mohammed Ben Hadi après qu'ils aient entendu de leurs propres oreilles cet individu appeler des méchéirs en Algérie à ne pas s'unir. Ne vous asseyez pas avec eux. Ne vous asseyez pas avec eux, il disait. Mais ahum bi raji'in, ils ne vont pas revenir. Ne faites pas d'assises avec eux. Alors que de l'autre côté, on a les ulama al-kibar qui incitaient les méchirs d'Algérie à s'asseoir, s'unir, régler le problème entre vous, etc. Ça, c'est la voie de Ahl-Sunnah. Le fait de chercher à unir les gens sur la vérité. Mais le fait de les pousser à refuser une assise, à refuser une union, ça, c'est la voie de Ahl-Dolel, la voie des égarés. Comme on l'a vu précédemment, la voie de Ahl-Bid'ah. Ahl-Bid'ah, ils sont connus pour le fait de diviser la communauté. Et donc, comment est-ce qu'on peut suivre de tels individus après avoir entendu des paroles aussi choquantes ? Et donc, ô chers frères, il est important qu'on apprenne notre religion, qu'on apprenne quels sont les principes de l'islam, quels sont les principes de Ahl-Sunnah wal-Jama'ah. Ensuite, le cheikh qui nous dit wa antum nasihu man wallahu Allahu amrakum. Et que vous, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit, et que vous conseillez celui qui vous gouverne, celui dont Allah tabaraka wa ta'ala a accordé autorité sur vous. Comme on l'a vu hier, au Shafqa, cela fait partie des principes de Ahl Sunnah wal Jama'a, le fait de conseiller les gouverneurs sans les critiquer, le fait de ne pas les critiquer en public, et le fait d'obéir et d'écouter tant que ceux-ci nous ordonnent ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala a permis. Et il est obligatoire à toute personne qui a la capacité de conseiller le gouverneur de le faire. Mais il est important aussi aux chers frères qu'on invoque pour eux. Il est important d'invoquer pour eux. Tatakhayyal, est-ce que tu imagines, oh chers frères, que Allah tabaraka wa ta'ala, il exauce ton invocation concernant un gouverneur. Tu invoques que ce gouverneur soit bien guidé et qu'il ait autour de lui des gens de la sunna et qu'il propage la sunna dans son pays. Hein? Le fait que Allah tabaraka wa ta'ala exauce cette demande, cela est grandiose. La sunna qui se propage dans un pays, toutes les personnes qui vont connaître la guidée par la cause de cette invocation, toutes les récompenses que tu peux avoir, il est important, chers frères, qu'on n'oublie pas cela, qu'on ne néglige pas. Souvent, on invoque Allah tabaraka wa ta'ala, « Oh Allah, accorde-moi de l'argent. Oh Allah, préserve mes enfants, la santé de mes enfants, la santé de ma femme. Oh Allah. » Et on ne va pas plus loin. Ça s'arrête là. Est-ce que tu imagines, oh, chers frères, le fait que tu demandes à Allah tabaraka wa ta'ala de pardonner à tous les musulmans? Est-ce que tu imagines le bienfait que tu peux avoir par cela? Oh Allah, pardonne aux musulmans le mal qu'ils ont fait. Oh Allah, pardonne aux gouverneurs et guide-les, etc. Tout le bien que tu peux avoir par ce genre d'invocation. Il faut qu'on arrête de penser à nous. Chacun invoque pour lui. Chacun pense à lui. N'oubliez pas le fait d'invoquer pour vos frères. C'est important, barakallahu fikoum. Notamment concernant les gouverneurs et concernant nos ulema. Et concernant les éléments qui courroucent Allah tabaraka wa ta'ala, qui entraîne la colère d'Allah, tabaraka wa ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a cité qila wa qal, les on dit. Les savants nous disent ce qui est voulu par là, c'est al-khawdu fil batil wa fima la yanfa. Et donc c'est le fait de parler et d'aborder des sujets concernant ce qui est faux ou de propager ce qui est faux. Et d'aborder, de parler ou de propager ce qui n'est pas profitable. Et c'est là qu'on médite sur notre situation depuis presque 2 ans maintenant. Depuis que le Covid, il a commencé. Avant, je me disais, mais comment se fait-il que, subhanallah, la fitna d'Ibn Hadi, elle a pu se propager en France comme ça? Alors que la fitna d'Ibn Hadi, c'est une fitna qui a été basée sur du qil wa qal. C'est une fitna qui a été basée sur des on dit. Une personne qui vient à Boufoulen, ou même à Boufoulena, hein, que tu ne sais pas qui c'est, et qui te dit Foulen a fait ci, Foulen a fait ça, Foulen a fait ça. Et que les gens ils vont commencer à critiquer des méchirs en se basant sur un écrit comme ça. Sans preuve, sans rien du tout. Cette fitna a été basée comme cela, des on dit. Je me suis demandé, mais comment c'est possible? Comment cette fitna elle a pu se propager alors qu'on connaît tous l'importance de revenir aux sources, l'importance des preuves? Ensuite, on a eu le Covid. Pendant le Covid, il y a eu ceux qui ont commencé à propager donc des prétentions. Oui, en fait, le virus, il a été fait par tel et tel pays, etc. Ça a été préparé, et etc. Et des frères qui perdent leur temps à regarder des vidéos de plus d'une heure sur ce genre de sujet, pour accuser une personne ou une autre d'avoir fabriqué le virus. Et les gens qui propagent. Et ensuite, une fois qu'on a fini avec cette étape, on est passé à l'autre étape, l'étape du vaccin. Des accusations dans tous les sens, sans vérifier les sources. Et là, je me suis dit, ben, c'est normal. C'est normal que la fitna d'Ibn Hadi, elle nous a fait du mal. Si on n'a pas compris ça, rien que concernant les sujets mondains, on n'a pas compris qu'il faut faire attention aux sources. Bien, la religion, ça va être pareil aussi. Ça va être pareil. Il faut faire attention aux sources. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit كَفَ بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ. Il suffit à l'homme comme mensonge le fait de parler de tout ce qu'il a entendu. Tu as entendu quelque chose? Vérifie, akhi. Vérifie. يَا أَيُّوَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا. Ô vous qui avez la foi, ô vous qui croyez, Allah tabaraka wa ta'ala, il nous appelle par cet attribut énorme, la croyance. Cet attribut qu'on a en nous, qui doit nous pousser à faire le bien, qui doit nous interdire et nous empêcher de faire le mal. Ya ayyuhalladhina amanu. Si une information, si donc un fasiq vient à vous avec une information, alors vérifiez-la. Vérifiez cette information. Les savants du tafsir, ils nous disent ici, Allah tabaraka wa ta'ala nous montre que l'information du fasiq, on ne doit pas l'accepter comme cela, mais qu'on doit vérifier. Et ils nous disent, mais on comprend aussi que l'information de celui qui est inconnu, nous devons aussi la vérifier. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas si c'est un fasiq ou pas. Mais même chose, l'information du véridique qui contredit un fait qui est avéré, doit être vérifiée. Et donc il est important, chers frères, qu'on fasse attention. Il faut arrêter de propager, de lire même, de lire avant de propager. Ce sujet est lourd, c'est une religion. Inna hadha al-ilma din. Certes, ce sujet est une religion. Faites attention de qui vous prenez votre religion. On a aujourd'hui un gros problème aussi concernant les enfants. Concernant les enfants. Les personnes qui inscrivent leurs enfants dans des maraquises, tu ne sais pas qui sont les responsables, qui sont les profs. Des sœurs qui commencent à donner des dourous à nos enfants comme ça, tu demandes, mais c'est qui cette sœur? Qui est cette sœur? Qui est cette prof? Elle a étudié où? Ah, elle a étudié en Arabie Saoudite. Machallah, ça veut le nombre de personnes qui ont étudié en Arabie Saoudite, ça ne veut rien dire du tout. C'est qui cette personne? Allahu alim. Il faut qu'on fasse attention, les frères. Barakallahu fikoum, ce sont nos enfants. Ce sont nos enfants. On a vu les erreurs de nos parents. Le fait qu'ils nous ont inscrits dans des écoles, qui nous ont fait perdre des années et des années concernant notre éducation musulmane. On veut faire la même chose, voire pire, le fait d'inscrire nos enfants dans des écoles où ils apprennent l'islam et qu'ils apprennent un islam erroné. Les frères, il faut faire attention concernant nos enfants. Barakallahu fikoum. C'est très grave. Et donc, ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous appelle à faire attention aux sources. Qui nous appelle à faire attention aux sources, aux preuves. Et à nous méfier des on-dit. Et ensuite, parmi les causes qu'il a citées, sallallahu alayhi wa sallam, qui entraînent la colère d'Allah tabaraka wa ta'ala, on a kathratu su'al, le fait de beaucoup demander. 35 minutes, on va finir le hadith, inshallah. Le fait de beaucoup demander. Oh, chers frères, barakallahu fikoum, le fait de beaucoup demander, cela se divise en deux. On a le fait de demander aux gens ce qu'ils possèdent et le fait de poser des questions. Dans notre religion, il n'est pas convenable que l'individu passe son temps à demander aux gens. Il n'est pas convenable de demander aux gens. Certains savants nous disent même qu'il est interdit. La base, c'est que c'est interdit de demander aux gens. Et parmi ces savants, on a Cheikh Rabia qui nous disent que la base, c'est que c'est interdit à cause des textes qui montrent l'interdiction. On a dans Sunan Abi Daoud, selon Thauban, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Man yataqabbalu li wahida, ataqabbalu lahu wahida, ou bi wahida. » Qui accepte une chose pour moi et j'accepte une chose pour lui. Alors Thauban, il a dit moi. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit « La tas'al ahadan shay'an. » Il lui a dit « Ne demande rien à personne. » Ne demande rien. Et depuis ce jour, ce compagnon ne demandait rien à personne. Même quand il était sur sa monture et que son fouet tombait par terre, il ne demandait pas qu'on lui ramasse son fouet. Mais il descendait sa monture pour récupérer son fouet et remonter sur sa monture. Et donc il est important, chers frères, qu'on fasse attention à ça. Arrêtez de demander aux gens. Arrêtez de demander aux gens. D'où la parole, donc, dans un poème où il est cité, là où les savants nous citent beaucoup ces vers d'ailleurs. La tas'alanna bunayya adama haja. Ne demande rien à l'enfant de Adam. Was'alillahi alladhi abwabuhu la tuhjab. Et demande à celui dont ses portes ne se ferment pas. Demande à celui dont ses portes ne se ferment pas. فَاللَّهُ يَعْضَبُ إِنْ تَرَكْتَ سُؤَلَهُ Allah s'énerve lorsque tu délaisses le fait de lui demander. وَبُنِيَّ آدَمْ إِذَا سَأَلْتَهُ يَعْضَبُ Tandis que l'enfant de Adam, lorsque tu l'interroges, il s'énerve. Lorsque tu lui demandes, il s'énerve. Et donc, il est important, chers frères, qu'on fasse attention à ça. Le fait de demander aux gens, les savants ils nous disent, le fait de demander aux gens cela, déjà, premièrement, c'est un manque. C'est un manque dans ta croyance en Allah tabaraka wa ta'ala. C'est un manque dans le fait de mettre sa confiance en Allah tabaraka wa ta'ala. Ça, c'est important. Le fait que tasta'in billah. Iza sta'inta fasta'in billah. Lorsque tu demandes l'aide à Allah. Ça, c'est un principe très important dans notre religion. Deuxièmement, lorsque tu demandes aux gens, ça les dérange. Ça les dérange. Troisièmement, lorsque tu demandes aux gens, tu te mets toi-même dans une position de tadallul, de rabaissement. De rabaissement. Voilà pourquoi certains savants nous disent, il y a ici, dans le fait de beaucoup demander aux gens, une injustice concernant Allah, concernant les créatures d'Allah et concernant ta propre personne. Concernant Allah, les créatures d'Allah et ta propre personne. Et donc il faut qu'on fasse attention à cela. Tant que tu peux faire quelque chose toi-même, alors fais-le toi-même. Tant que tu peux faire quelque chose toi-même, alors fais-le toi-même. Barakallahu fikum. On a aussi Ida'atul mal. Donc le fait de gaspiller de l'argent. Le fait de gaspiller de l'argent. Allah tabaraka wa ta'ala qui nous dit Inna al-mubadhirina kanu ikhwan ash-shayatin. Certes, les gaspilleurs sont les frères des shayatin. Et donc il est interdit de gaspiller dans notre religion. Qu'est-ce que le gaspillage? Qu'est-ce que le fait de gaspiller des biens de l'argent? Ibn Baz, rahimahullah, ainsi que d'autres ulama, ils nous disent c'est le fait huwa az-ziyada. Az-ziyada fil haja amma jarat 'adatu an-nas. C'est le fait, donc, de rajouter, d'augmenter, ou du moins c'est le fait d'apporter un rajout à ça, à notre besoin. Tu as besoin de quelque chose, tu vas dépasser le besoin dont tu, ce besoin que tu as, et tu vas dépasser cette habitude que les gens ont. Les gens, ils ont pour habitude, on va dire, de dépenser tant et tant d'argent pour, je dirais, une aqiqa. Tant et tant d'argent pour une aqiqa. Ibrahim, il vient, il nous fait une aqiqa à 600 000 euros. Il nous dit la baisse habille. La baisse habille. On va te dire, c'est exagéré. Et donc, on prend quoi en compte, chers frères? On prend, donc, les savants nous disent ici, on prend beaucoup en compte el-ada. On prend beaucoup en compte el-ada, les habitudes, les cultures. Ça, c'est quelque chose qui est important. Deuxième point, si Ibrahim, il vient et qu'il nous dit, j'ai dépensé pour 600 000 euros de nourriture. Ouais, c'est vrai, j'ai dépensé pour 600 000 euros. Vous avez mangé ce que vous avez mangé et tout le reste a été redistribué pour des pauvres. Tout le reste. On n'a rien, pas un os. Tout le reste a été redistribué. Est-ce que c'est du gaspillage ou pas? Non. Ijma'a ou il y en a un qui me dit c'est du gaspillage. Tout le reste, je dis bien, pas un morceau de viande. Yassine, tu dis quoi, gaspillage ou pas? Là? Allez. Ici, fini tafsil. Hein? Gaspillage. Gaspillage? Allah tabaraka wa ta'ala, il nous dit وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ Et c'est celui, il est celui qui a donc créé des jardins معروشات, il y a une divergence entre les savants concernant ce sujet. معروشات وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ C'est-à-dire, certains savants nous disent ce qui est voulu par là. On a des arbres qui ont besoin de certains éléments pour pousser. Parfois, tu peux passer et il y a des arbres ou des plantes, excusez-moi, qui ont besoin d'un morceau de bois ou parfois qui ont besoin même d'un mur pour pousser. Sinon, ces plantes, elles poussent sur le sol. Et donc, il faut, pour les aider à se lever, il faut donc des morceaux de bois, etc. Et certains savants nous disent, voilà ce qui est voulu par ma'rouchat, les plantes qui ont besoin d'un harish. Ou ghayra ma'rouchat, les plantes qui poussent toutes seules. D'autres savants nous disent non, ce qui est voulu par ma'rouchat, ce sont les plantes donc qui ont un tronc. Ce sont les plantes qui ont un tronc. Waghaira ma'rushat, les plantes qui n'ont pas de tronc, qui vont pousser au sol. Et inversement. D'autres savants nous disent non, c'est l'inverse. Et donc on a plusieurs avis des savants concernant ce verset. Et donc Allah tabaraka wa ta'ala est celui qui a donc créé ces jardins de façon différente. Certaines plantes, ces plantes qui vont pousser toutes seules, d'autres qui vont avoir besoin donc qu'on place quelque chose pour qu'elles poussent, etc. Et c'est celui qui a créé aussi donc les palmiers, ainsi que les plantations avec différents goûts. Az-zaytoun, donc les oliviers, ainsi que ar-rumman, les grenadiers, qui se ressemblent et ne se ressemblent pas. Dans les tafasirs, on nous voit, ils nous disent, donc, qui se ressemblent en apparence ou dans la couleur. Parfois, tu vas avoir donc des grenadines qui se ressemblent, qui ont la même couleur, mais qui ne se ressemblent pas dans le goût. Donc, différents types de grenadines. Et pareil, donc, pour les palmiers. Et pour les oliviers. Et ensuite, Allah tabaraka wa ta'ala qui nous dit, Kulu min thamarihi idha athmara. Et mangez donc de leurs fruits lorsqu'ils produisent. Wa atu haqqahu yawma hasadi. Et donnez leur droit au jour de la récolte, c'est-à-dire l'aumône. Lorsque tu as récolté tous tes fruits, etc., tu dois distribuer l'aumône. Et tout de suite après, Allah tabaraka wa ta'ala, elle nous dit, Wa la tusrifu. Innahu la yuhibbul musrifin. Et ne gaspillez pas, certes, il n'aime pas ceux qui gaspillent. Les savants du tafsir, ils ont abordé ce passage. Allah tabaraka wa ta'ala qui nous cite le gaspillage juste après nous avoir ordonné de faire un acte d'adoration. Ils ont dit, et donc, l'ordre est général. On comprend donc, ils nous disent, on comprend donc qu'il ne faut pas gaspiller en mangeant tous les fruits ou en mangeant tout ce que tu possèdes à tel point qu'après tu ne peux pas donner la zakat. Il ne faut pas gaspiller à tel point que tu vas donner tellement de zakat, tellement d'aumône, que tu ne peux pas donner à ta famille. Et on a aussi, oh chers frères, donc, les savants nous ont cité comme exemple aussi un point essentiel, et là, ce n'est pas lié à une quantité. Même si c'est 1 euro, c'est du gaspillage. 1 euro, c'est du gaspillage. Sarfuhu fima harramahullah. Le fait de dépenser cet argent dans ce que Allah tabaraka wa ta'ala a interdit. Ça, c'est du gaspillage. Ils nous disent, même si tu dépenses donc une toute petite somme, même si tu dépenses une toute petite somme, 1 euro ou moins qu'un euro, dans ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala a interdit, ça s'appelle du gaspillage. Ida'atul mal. Pourquoi? Parce que tu as placé cet argent dans un élément qui ne t'est pas profitable, ni ici-bas, ni dans l'au-delà. Et l'argent que tu possèdes, les biens que tu possèdes, sont un bienfait d'Allah tabaraka wa ta'ala. Nous devons faire attention, chers frères, à bien utiliser ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous a accordé. Car ce qu'il nous a accordé, il nous l'a accordé et nous éprouve concernant cela. Nous serons interrogés concernant les bienfaits qu'il nous a accordés. Waletus elun anin na'im. Vous serez interrogés concernant les bienfaits. Et donc ça, c'est très important. Et donc voilà concernant ce hadith, inshallah ta'ala, on va arrêter là pour aujourd'hui et on continue demain bi'iznillah ta'ala wa faqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yarda wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jazakumullahu khairan.